Bonjour Anaïs Kia. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Les lendemains de la Commune de Paris, un film d'animation diffusé ce soir sur France 3. Alors que l'on s'écharpe au Conseil de Paris sur l'ampleur des célébrations du 150e anniversaire de la Commune de Paris, que certains célèbrent sans modération alors que d'autres l'estiment négligeable au regard de l'histoire nationale, difficile de ne pas constater que cette commémoration n'est pas froide et que la mémoire de l'événement est bien active. C'est l'objet du film d'animation de Joris Clerté et Laure Godineau, La boîte noire, diffusé ce soir sur France 3. Un court-métrage d'animation poétique et cruel mais lumineux sur les spectres de cette révolution balayée qui ne cesse de vouloir sortir du placard. Cette boîte noire, c'est le point de départ d'une enquête. Après la mort de son père, Jules Étienne trouve un projecteur parmi les objets accumulés tout au long de cette vie qui a pris fin. Un projecteur et un film qui font apparaître à l'écran un certain Maxime Lisbonne sur une barricade brandissant un drapeau de la Commune de Paris. Nous sommes maintenant dans un cabaret parisien au nom tout à fait sinistre, la Taverne du Bagne, où ce fils endeuillé suit la piste du passé de son père. Le décor est déconcertant alors que Maxime Lisbonne semble avoir vécu au premier plan la Révolution parisienne de 1871. Le décor de sa taverne exploite tous les stéréotypes de sa légende noire, des caricatures au drapeau rouge sang, pour le plus grand plaisir des hauts de forme qui s'empressent à prendre part à un curieux divertissement. La cérémonie du ferment, ou comment vivre l'expérience pour jouer, des communeux et des communeuses condamnés au bagne. Mais ce Lisbonne faisait bien partie de ces enragés de communards, non? Oui, et il a échappé de peu au peloton d'exécution. Mais alors, il est toujours aussi dangereux? Sur une scène, il l'est moins que sur une barricade. Et Dieu merci, il n'y en a plus à Paris depuis 14 ans. Maxime Lisbonne a inventé à partir de sa propre défaite un spectacle comique pour divertir les bourgeois venus se rappeler la grande victoire du Parti de l'Ordre sur le rêve d'une république sociale. Les spectateurs jouent des coudes dans l'espoir d'être pris comme cobaye par Lisbonne qui s'apprête à élire l'un d'entre eux digne de recevoir ce soir-là le boulet du bagnard à la cheville. Dans le public, Jules Étienne rencontre une galerie de personnages revenus de leurs aventures révolutionnaires 14 ans plus tôt. Une femme amère qui se contente de survivre dans la vie d'après, un serveur à bonnet qui ricane de faire cracher ses anciens ennemis au bassinet de leur alcoolisme mondain, mais c'est Nadar, le photographe, qui nous donne la clé de cette boîte noire et du passé du père de Jules Étienne. Sans vous raconter le dévoilement de la fin, Joris Clerté et Laure Godineau nous rappellent à quel point les idées portées par la Commune, frappées d'ostracisme, ont continué malgré tout à nourrir le débat d'idées sur la République en France et sur la puissance du cinéma, une machine à faire danser les morts et une arme politique. La boîte noire est un film pour faire circuler les idées, pour qu'elles dépassent l'enceinte parisienne et l'ostracisme qui a longtemps frappé le souvenir de la Commune, alors que même parmi ceux qui l'avaient combattu, le souvenir en restait bien vivant. La conclusion, la Commune et peut-être aussi le cinéma, il faut en faire quelque chose de neuf, c'est le conseil de Nadar. Ne pas remâcher les événements du passé, mais armer le présent de leurs idées. La boîte noire, c'est ce soir dans l'émission Libre Cours sur France 3. Le journal de l'histoire se retrouve sur l'application Radio France et sur notre site franceculture.fr.